T'es parti, Pepper? T'es parti? Ça marche pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Keep on, keep on, just say. De mesure. Thank you. partira. To kill me, tell you my new song, that am I. We'll be right back.